Chapitre 4e. Départ de Memphis, rivière de l'Ohio, Louisville, Cincinnati. Le 1er février 1828, nous nous embarquâmes sur le Critérion et nous voguâmes de nouveau sur le Père des Eaux, comme les pauvres Indiens chassés de leur demeure avaient l'habitude d'appeler le Mississippi. La société ressemblait beaucoup à celle que nous avions rencontrée en venant de la Nouvelle-Orléans. Il nous semblait que tous ces gentlemen étaient cousins germains. Et ce qui nous parut singulier, c'est que tout ceci était arrivé à un haut grade dans l'armée. Pendant bien des milles, au-delà de la rivière Wolf, le seul point de vue est une forêt, puis une forêt et encore une autre. La seule variation était le reculement de la rivière d'un côté et son envahissement sur le rivage opposé. Ces changements sont continuels, mais de quelle cause dépendent-ils, c'est ce qu'on ne put m'expliquer. Dans les lieux où la rivière pénètre dans les terres, les arbres croisent dans l'eau à plusieurs pieds de profondeur. Au bout de quelque temps, l'eau mine leurs racines, et ils deviennent les victimes du premier ouragan. C'est une des sources de l'immense quantité de bois flottant qui surnage sur le golfe du Mexique. Lorsque l'eau s'est retirée, un champ de canne à sucre s'élève aussitôt à sa place avec la rapidité de toute végétation dans ce climat. Ces différents effets rompent la monotonie de cette muraille d'arbres qui se voit pendant des centaines de lieues. Mais nous approchions de cette rivière que les Français de la Nouvelle-Orléans ont dans leur enthousiasme appelée la Belle, et quelques jours nous emportèrent à jamais sans doute, loin du fleuve qui est avec autant d'emphase appelé le Mortel. Il semble, il est vrai, justifier ce titre. L'air de ces rivages est pestilentiel, et l'on dit que rien de ce qui s'enfonça sous sa surface boueuse ne se releva jamais. La belle rivière mérite aussi son nom. L'Ohio est brillant et clair, ses bords sont continuellement variés, car il parcourt un pays où l'on ne fait pas 12 pas sur un terrain uni. La forêt primitive occupe encore cependant une portion considérable du sol et semble suspendue sur les montagnes. Mais elle est interrompue par divers établissements où la scène est animée par des troupeaux de bœufs et de moutons. Je crois que cette rivière offre tous les aspects que l'imagination peut désirer. Quelquefois, ses eaux limpides arrosent une prairie. Quelquefois, elle est bornée par des rocs perpendiculaires. Ses rivages abondent en jolies maisons aux élégants portiques, puis une forêt avec toute son horreur sauvage, où le cri des ours indique assez quels habitants y séjournent. Quelquefois, un torrent descend d'une montagne et vient répandre ses ondes argentées dans le fleuve. Si les bords de l'Ohio offraient de temps en temps à la vue une abbaye en ruine et un château féodal pour mêler le roman de la vie réelle à celui de la nature, il ne leur manquerait absolument rien. L'effet de ces beaux points de vue fut si puissant sur nous que nous cessâmes de murmurer contre nos dîners et nos soupers. De plus, nous rivalisâmes presque avec nos compagnons de table par la rapidité vorace avec laquelle nous avalions les morceaux, tant nous étions impatientes d'aller nous établir sur la galerie, de craindre de perdre une belle scène qui ne se représenterait plus. Cependant, ces beaux rivages sont encore malsains. Nous allâmes à terre plus d'une fois, et nous conversâmes avec des familles de coupeurs de bois. Il nous arrivait presque toujours d'entendre parler de quelques membres de cette famille morts depuis peu de la fièvre. Ils sont tous sujets à cette maladie, et quoique leur demeure soit infiniment meilleure que celle des coupeurs de bois du Mississippi, ce sont encore des gens qui échangent leur vie contre de l'or. Louisville est une ville considérable, située d'une manière agréable dans le Kentucky, au côté méridional de l'Ohio. Nous passâmes quelques heures à voir tout ce qu'il y avait de remarquable. Et si je n'avais pas entendu dire qu'une fièvre contagieuse y ferait des ravages pendant la saison chaude, j'aurais aimé y passer quelques mois dans le dessein d'explorer ces magnifiques environs. Frankfort et Lexington sont deux villes remarquables, mais étant hors de notre route, nous ne pûmes les voir. La première est le siège du gouvernement de Kentucky, et l'on me dit que la seconde est la résidence de plusieurs familles riches qui, ayant plus de loisirs qu'on en a ordinairement en Amérique, possède, ce qui suit ordinairement, plus de civilisation. Les chutes de l'Ohio sont à environ 1 mille au-dessous de Louisville et produisent un courant trop rapide pour que les bateaux puissent le franchir, excepté dans la saison des pluies. Les passagers sont obligés de descendre à terre avant d'arriver à ces chutes et de se rendre à Louisville où il se trouve d'autres vaisseaux pour les recevoir et continuer le voyage. Ce désagrément nous fut épargné, l'eau étant trop haute pour que la rapidité du courant se fît sentir. Le canal de Louisville remédiera bientôt à cet inconvénient, en permettant aux bateaux à vapeur de poursuivre leur route jusqu'à leur destination. Les points de vue sur les côtes du Kentucky sont beaucoup plus beaux que ceux d'Indiana ou Ohio. L'État de Kentucky était le lieu favori de plus d'une tribu d'Indiens, et on le réservait comme une chasse commune au naturel. On dit que ces bannis ne peuvent le nommer encore aujourd'hui sans émotion, et qu'ils chantent une triste complainte pour honorer son souvenir. Cependant, leur exclusion date déjà de loin, et le Kentucky est occupé depuis plus longtemps que l'Illinois, Indiana ou Ohio, et il paraît non seulement mieux cultivé, mais plus fertile et plus pittoresque que les deux autres. J'ai rarement vu de plus beaux sites que ceux du Kentucky. Les arbres des forêts ne sont pas trop serrés et sont d'une venue magnifique. Les récoltes sont riches et abondantes lorsqu'un maladroit fermier n'a pas trop fatigué le sol par son avidité à recueillir. On nous montra un champ qui avait rapporté d'abondantes moissons de blé pendant 20 années successives. Mais un espace de temps plus court suffit pour épuiser le terrain, même s'il ne devait rapporter que du tabac sans l'intermédiaire de quelque autre produit. Nous atteignîmes Cincinnati le 10 février. Cette ville est agréablement située sur le côté méridional d'une montagne qui s'élève doucement depuis le bord de la rivière. Cependant, ce n'est en aucune manière une ville d'une belle apparence. Il lui manque des dômes, des tours et des clochers. Mais son port est beau. Il a plus d'un quart de mille de longueur. Il est bien pavé et entouré de bâtiments qui ne sont pas magnifiques, mais qui sont entretenus en bon état. J'y ai vu 15 bateaux à vapeur à l'ancre et cependant, la moitié du quai était inoccupée. En débarquant, on nous conduisit à l'hôtel de Washington et nous nous trouvâmes fort heureuses lorsqu'on nous apprit que nous arrivions à temps pour dîner à table d'hôte. Mais lorsque la porte de la salle à manger fut ouverte, nous reculâmes avec effroi en voyant environ 60 à 70 hommes assis et mangeant. Nous prîmes notre dîner avec les femmes de la maison, puis nous allâmes à la recherche d'un logement assez commode pour y faire un long séjour. Nous nous rendîmes au bureau d'une espèce de facteur qui tenait, disait-il, des registres de tout ce qu'il y avait à louer dans la ville. Il nous donna un jeune garçon pour notre guide et nous montrait ce que nous cherchions. Nous sortîmes donc avec lui, et il nous conduisit d'abord dans une rue, puis dans une autre, mais évidemment sans aucun but déterminé. Je m'arrêtai et je lui demandai où étaient les maisons que nous allions voir. « Je cherche des écriteaux, » répondit-il. Je pensais que nous pourrions chercher des écriteaux aussi bien que lui, et je le lui dis. Alors il prit un air de grande activité et commença à frapper régulièrement à toutes les portes devant lesquelles nous passions, s'informant si la maison était à louer. Il était impossible de supporter plus longtemps cette mauvaise plaisanterie, et notre guide fut congédié, quoique je fusse obligé de lui payer 1 $ pour ses services. Nous eûmes néanmoins le bonheur de trouver une maison convenable. Notre intention était d'en prendre possession aussitôt qu'elle serait prête. Ne voulant pas partager notre repas du soir avec les 70 gentlemen de la table d'hôte, ni avec la demi-douzaine des dames du comptoir, je demandai du thé dans ma chambre. Une Irlandaise de bonne humeur vint à moi, me prit les mains d'un air de protection en me disant « Ah, mon cœur, vous êtes du vieux pays, et je vais voir à vous faire servir seul. » Avec cette assurance, nous nous retirâmes dans notre chambre qui était vaste et bien meublée, mais il n'y avait point de tapis, et des bandes de papier peint pendantes devant les fenêtres la rendaient fort sombre. Lorsqu'on veut de l'air ou de la lumière, on est obligé de rouler ces bandes et de les accrocher à des anneaux fichés dans le cadre de la fenêtre. Cette espèce de jalousie incommode est d'un usage général en Amérique. Notre amie irlandaise reparut bientôt et nous apporta du thé avec l'inévitable escorte de bœuf salé, coupé en petites tranches fort minces, et de confitures sèches faites avec de la cassonade qui accompagne toujours le thé en Amérique. Nous causions tranquillement en famille de nos futurs arrangements quand un coup frappé violemment à la porte vint nous interrompre. Je priai d'entrer, un majestueux personnage parut et nous apprit qu'il était notre hôte. « Y a-t-il quelqu'un de malade ?» nous demanda-t-il. « Non, monsieur, je vous remercie, » lui répondis-je. « Nous nous portons tous très bien. » « Alors, madame, je suis obligé de vous dire que je ne puis m'accommoder de cet arrangement. Nous ne servons point de thé ici en particulier, et il faut que vous preniez vos repas soit avec moi, soit avec ma femme, ou que vous quittiez la maison. » Cela fut dit avec un ton d'autorité qui admettait à peine la réplique. Cependant, je hasardai quelques excuses sur notre qualité d'étrangère, n'étant pas habitué aux usages du pays. Nos usages sont de très bons usages, madame, reprit-il, et nous n'avons aucune envie de les changer contre ceux de l'Angleterre. Plus tard, lorsque je lus l'Anne de Geierstein de Scott, je ne pus m'empêcher de penser à notre hôte de l'hôtel de Washington, qui ressemblait prodigieusement à cet aubergiste qui faisait boire, manger et dormir ses convives quand et comme cela lui plaisait. Je ne fis pas d'autres remontrances, mais je pris la résolution de hâter mon départ, ce que j'effectuai le jour suivant, à ma grande satisfaction. Nous fûmes promptement établis dans notre nouveau logement, qui était assez propre et assez confortable, mais nous nous aperçûmes bientôt qu'il était dépourvu de presque toutes les commodités que les Européens jugent nécessaires. Point de pompe, point de citerne, point d'égout d'aucune espèce. On ne voit point à Cincinnati de ces voitures qui, à Londres, emportent les boues et les autres ordures avec tant de rapidité. Bientôt, je fus obligé d'envoyer chercher mon propriétaire pour lui demander ce qu'il fallait que je fisse de toutes ces saletés qui s'accumulaient si promptement dans une maison. « Votre aide peut les aller jeter dans le milieu de la rue, » me répondit-il. « Mais rappelez-vous, bonne femme, qu'il faut que ce soit dans le milieu de la rue. Je suppose que vous ne savez pas que nous avons une loi qui défend de jeter pareilles choses des deux côtés de la rue. Il faut les jeter absolument dans le milieu, et les cochons les ont bientôt emportés. » En effet, on voit sans cesse, dans tous les quartiers, ces animaux occupés à rendre ce service à la ville. Bien qu'il ne soit pas fort agréable d'être sans cesse entouré par des troupeaux de ces disgracieux animaux, c'est un bonheur qu'ils soient si nombreux et si actifs dans leur service de boueux, car sans leur secours, les rues seraient bientôt empoisonnées par toutes sortes de substances en décomposition. Nous avions tant entendu parler de Cincinnati, de sa beauté, de sa richesse, de sa prospérité sans égale, tandis que nous étions à Memphis, que nous éprouvions presque, en partant, la joie de ce novice de Rousseau, un voyage à faire et Paris au bout. Aussitôt que nos petits arrangements domestiques furent terminés, nous visitâmes cette merveille de l'Ouest, cet Hercule enfant, et certainement aucun voyageur ne parcourut une ville sous des circonstances plus favorables. Trois tristes mois s'étaient écoulés depuis que nous avions laissé derrière nous les beautés de Londres. Et pendant tout cet espace de temps, nous n'avions presque contemplé d'autre architecture que celle de nos bateaux à vapeur, et excepté à la Nouvelle-Orléans, nous avions à peine aperçu les traces d'une habitation humaine. La vue de briques et de mortiers avait quelque chose de rafraîchissant pour nos yeux. Une maison de trois étages nous paraissait presque un palais. Nous vîmes plusieurs échantillons de cette splendeur, et même une église bâtie en briques qui, à cause de ses deux petits clochers pointus, est appelée l'église à deux cornes. Mais hélas, comme l'imagination retombe après s'être élevée un peu trop haut. Je ne sais trop ce que je pensais trouver dans ce lieu nouvellement défriché au milieu d'un désert, mais certainement ce n'était pas une petite ville, de la grandeur environ de Salisbury, dont les édifices n'ont pas la moindre prétention à l'élégance, et qui n'a d'une cité que son bruit et ses intrigues. La population est plus nombreuse que l'étendue de la ville ne le ferait supposer. Cela est dû en partie à la multitude de nègres libres qui vivent ensemble dans une partie obscure de la ville, appelée la Petite Afrique, et au grand nombre des ouvriers dans les environs des moulins à papier ou autres manufactures. Je crois qu'on y compte plus de 20 000 habitants. Nous arrivâmes à Cincinnati en février 1828, et je parle de cette ville comme elle était alors. Plusieurs petites églises, dont les tours rompent la monotonie des masses de bâtiments, ont été construites depuis. Dans ce temps, il me semble que Main Street, rue principale qui parcourt toute la ville, et correspond au High Street de toute nos vieilles cités, était alors la seule entièrement pavée. Le trottoir est en briques et passablement bon, mais il est inondé à chaque averse, puisque Cincinnati n'a point d'égout de quelque sorte que ce soit. Ce qui rend cette omission plus remarquable, c'est que la situation de cette ville est calculée pour faciliter leur construction, en même temps qu'elle les rend nécessaires. Cincinnati est bâtie sur le penchant d'une colline qui commence à s'élever depuis le bord de la rivière, et s'il y avait des égouts aussi simples que possible, les pluies fréquentes les entretiendraient constamment propres au lieu que dans la situation où j'ai connu cette ville, les averses lavent les rues les plus hautes et déposent les ordures qu'elles entraînent sur le premier terrain plat. C'est ordinairement dans les rues moins importantes que Main Street où cela arrive. Elles coupent cette grande rue à angle droit et contiennent la plupart des grands magasins de la ville. Ces dépôts sont, on ne peut plus malsain, et doivent engendrer des maladies pendant les grandes chaleurs. La ville est bâtie, comme je crois que le sont la plupart des villes de l'Amérique, en square ou carré. Mais ces carrés sont l'opposé des nôtres, étant solides au lieu d'être creux. Chacun d'eux consiste ou doit consister, lorsque le plan de la ville sera complet, dans un bloc de bâtiments regardant le nord, l'est, l'ouest et le sud, chaque maison communiquant à une allée, à une entrée de derrière. Ce plan ne serait pas mauvais si la ville était assainie, mais telle qu'elle est, ces allées sont d'abominables cloaques et elles deviendront de pire en pire chaque année. Cincinnati est bornée au nord par des collines couvertes de forêts assez escarpées pour empêcher qu'elles soient cultivées ou qu'on y bâtisse, mais pas assez élevées pour que le point de vue qu'on y embrasse ait une grande étendue. Des torrents profonds et étroits, secs en été mais débordants en hiver, divisent ces montagnes en plusieurs hauteurs séparées, qui procurent les seules variétés de point de vue à plusieurs milles à la ronde. La charmante rivière d'Ohio offre les scènes les plus pittoresques, mais la seule partie de la ville qui jouit de sa beauté est la rue la plus voisine de ses rivages. Les montagnes du Kentucky, qui s'élèvent à peu près à la même distance de la rivière, du côté opposé, forment la limite méridionale du bassin dans lequel Cincinnati est bâti. En arrivant, je trouvais que les arbres qui couvraient les montagnes tout autour de la ville offraient un aspect charmant. Mais longtemps avant mon départ, j'étais si las de cette vue bornée que la plaine de Salisbury elle-même m'eût semblé une agréable diversion. Je doute qu'aucun habitant de Cincinnati ait jamais escaladé ces montagnes aussi souvent que moi, ou mes enfants l'avons fait. Mais c'était plutôt pour respirer un air plus pur que pour jouir d'une belle vue que nous faisons cette promenade journalière. Ces montagnes n'offrent ni fleurs ni arbrisseaux, mais on y voit la plus belle espèce de millepore qui soit au monde, et les torrents sont remplis de productions fossiles. Les arbres, comme nous l'avons déjà dit, sont trop serrés les uns contre les autres, et la vigne sauvage même perd ici sa beauté, car ces gracieux festons ne portent des feuilles que lorsqu'ils ont atteint les branches les plus hautes des arbres qui leur servent de soutien. L'air et la lumière étant trop rares, elle ne fait que grimper jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à une plus favorable atmosphère. L'herbe que nous appelons pouliot est la seule que nous trouvâmes en abondance. Encore, elle n'existe que dans les lieux qui ont été un peu éclaircis. La végétation est impossible partout ailleurs, et voilà ce qui rend les éternelles forêts d'Amérique si détestables. Près de la Nouvelle-Orléans, des bosquets de petits palmiers et de pawpaw offrent une grande beauté, mais je n'ai jamais trouvé le moindre charme dans les forêts du Tennessee, d'Indiana ou d'Ohio. Des arbres dans tous les différents états de corruption et des monceaux de feuilles qui pourrissent depuis le déluge couvrent la terre et infectent l'air. La variété du feuillage que donnent des arbres toujours verts n'existe pas dans le Tennessee et dans cette partie de l'Ohio qui entoure Cincinnati. Il y manque même la stérile beauté des rocs. En traversant la rivière, vers le Kentucky, la scène change agréablement à l'œil. Des hêtres et des châtaigniers bordent cette magnifique rivière. Le terrain est bien défriché et les pâturages sont excellents. Le pawpaw croît avec profusion et c'est un bel arbrisseau, quoique si loin vers le nord. Ils ne produisent ni fleurs ni fruits, mais le magnifique tulipier y fleurit encore et s'y rencontre à chaque pas. La rivière Licking se jette dans l'Ohio, presque en face de Cincinnati. C'est une jolie rivière tortueuse, dont le courant est rapide à 2 ou 3 milles de son embouchure. Elle s'agite parmi des pierres blanches, qu'en l'absence de rocs plus considérables, nous trouvions très pittoresques.